Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 54. Loue le Seigneur, stérile qui n'enfante pas. Chante sa louange et pousse des cris de joie, toi qui n'enfantais pas. Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari, dit le Seigneur. Élargis l'enceinte de ta tente et étends les pots de tes tabernacles. N'épargne rien, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu pénétreras à droite et à gauche, et ta race sera des nations pour héritage, et elle habitera des villes auparavant désertes. Ne crains pas, parce que tu ne seras pas confondu, et tu ne rougiras pas, car tu n'auras pas de honte, parce que tu oublieras la confusion de ta jeunesse, et de l'opprobre de ta viduité tu ne te souviendras plus. Parce que celui qui t'a faite te dominera. Le Seigneur des armées est son nom, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, sera appelé le Dieu de toute la terre. Car le Seigneur t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit, et comme une femme répudiée dès sa jeunesse, a dit ton Dieu. Pour un instant, je t'ai un peu délaissée, mais dans mes grandes miséricordes, je te rassemblerai. Dans un moment d'indignation, je t'ai caché ma face, pendant un peu de temps. Mais dans ma miséricorde éternelle, j'ai eu pitié de toi, a dit ton Rédempteur, le Seigneur. C'est ici pour moi comme au jour de Noé, à qui je jurais que je n'amènerais plus les eaux de Noé sur la terre. Ainsi j'ai juré que je ne me mettrais pas en colère contre toi et que je ne te réprimanderais pas. Car les montagnes seront ébranlées et les collines frémiront. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, a dit celui qui a pitié de toi, le Seigneur. Tu es pauvre, battu par la tempête et sans aucune consolation. Voici que moi j'alignerai tes pierres, et tu seras fondé sur des saphirs. Et je ferai tes tours de jaspe, et tes portes en pierre ciselée, et tous tes contours en pierre précieuse. Et tous tes fils seront instruits par le Seigneur, et une abondance de paix est réservée à tes fils. Et tu seras fondé dans la justice. Éloigne-toi de la violence, parce que tu n'auras pas à craindre, et de la frayeur, parce qu'elle ne t'approchera pas. Voici que viendra un habitant qui n'était pas avec moi. Que celui qui était étranger autrefois pour toi se joindra à toi. Voilà que moi, j'ai créé l'ouvrier qui souffle dans le feu des charbons ardents, et en fait sortir un instrument pour son ouvrage. Et c'est moi qui ai créé le meurtrier pour détruire. Tout instrument qui a été imaginé contre toi manquera le but. Et toute langue qui te résistera dans le jugement, tu la jugeras. C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur et la justice qu'ils trouveront auprès de moi, dit le Seigneur. Nom de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.